طيب وكمانس إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 48 dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Et aujourd'hui, on commence donc le chapitre, un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est Babun al-Khawf min al-Shirk. Babun al-Khawf min al-Shirk. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le charh de. Dans Kitab al-Tawhid. Il a mentionné donc comme quatrième chapitre ce titre, Al-Khawfu min al-Shirk. Et donc maintenant, on va lire le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, puis après les commentaires de Cheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, de ce chapitre-là. Donc pour commencer, on va lire le chapitre lui-même. Et dans ce chapitre, il y a un verset. Plutôt deux versets de Coran qui sont mentionnés, puis ensuite trois hadiths. Donc deux versets et trois hadiths. Donc on va lire ça, puis ensuite on va commencer l'explication, inshallah. Donc le Cheikh il dit wa qawlullah azza wa jal inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est le verset 48 dans Sourate An-Nisa. Et ce verset-là, il se reproduit à deux reprises dans Sourate An-Nisa. Et je pense que la deuxième fois, c'est le verset 129, si je ne me trompe pas. 126 ou 129. Donc le premier, c'est le verset 48. Et le second, c'est le verset 116. Donc c'est ça, le verset 48 et le verset 116, c'est deux endroits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala répète ce verset. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sauf que les deux versets ne terminent pas de la même manière. Le premier, verset 48, il y a à la fin وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Et dans l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Donc dans le premier, ça mentionne le fait que celui qui quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a certes inventé un énorme péché contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, le verset 116, qui dit « Quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala s'égare très loin dans l'égarement. » Donc ça, c'est yani les deux significations. Mais sinon, c'est le même début. Et les deux indiquent donc la gravité du shirk. Et ça, on va l'expliquer dans les explications du shaykh qui sont vraiment bénéfiques et intéressantes. Ensuite, le shaykh, il dit comme deuxième verset, وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. C'est-à-dire que Ibrahim عليه السلام, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'invocation qu'il a faite pour lui-même ainsi que pour ses fils et ses enfants. C'est le verset 35 dans Surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter, lui ainsi que ses enfants, de l'adoration des idoles. Hein? Et on va voir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication et comme signification. Ensuite, les trois hadiths. Le premier hadith, il dit wa fil hadith akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَاءُ. Donc il dit ici que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La chose que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Et on lui a posé la question à propos du shirk mineur, il a dit « C'est الرِّيَاء », c'est-à-dire l'ostentation. Hein? Et l'autre hadith qui est mentionné ensuite, c'est An ibn Mas'ud radiallahu anhu, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Donc ici, le cheikh, il mentionne que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt alors qu'il invoque un partenaire ou un égal avec Allah, hein, il a invoqué un égal avec Allah, alors il entrera en enfer. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Et l'autre hadith, qui est le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Jabir, radiallahu anhu, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, « Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a, dakhal al-jannah. » وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. C'est-à-dire que l'imam muslim, il rapporte selon Jabir, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque rencontre Allah sans avoir fait de shirk, hein, ou sans avoir associé quoi que ce soit avec lui, il entrera au paradis, tandis que celui qui rencontre Allah en ayant commis du shirk et en ayant associé quoi que ce soit avec Allah, il entrera en enfer. Maintenant, on va expliquer ces paroles avec les commentaires du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Mais en premier, on va lire les explications du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Donc, premièrement, le Cheikh, il explique le titre « Qawluhu babun al-khawf min al-shirki ». Donc, ça c'est le titre, hein, la crainte ou la peur du shirk, hein, qu'il faut avoir peur du shirk. Et donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il va l'expliquer, mais avant ça, on va lire le commentaire ici à propos de ce titre, le commentaire du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Il dit, « هذا الباب في غاية المناسبة بعد الأبواب السابقة. لأن الأبواب السابقة كتاب التوحيد, الأول كتاب التوحيد, والثاني فضل التوحيد, والثالث من حقق التوحيد. فإذا أتقن الإنسان هذه الأبواب الثلاثة وعرف التوحيد من الباب الأول وعرف فضل التوحيد من الباب الثاني وعرف تحقيق التوحيد من الباب الثالث بقي عليه أن يخاف من ضد التوحيد وهو الشرك لأن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك ولو كان من أعلم الناس وأقوام و أقواهم إيمانا فإنه عرضة للابتلاء والامتحان فالذين يقولون إن الناس الآن تثقفوا وعرفوا وتجاوزوا مرحلة السذاجة ولا يخاف عليهم من الشرك فلا داعي إلى التحذير منه لأن الناس يعرفون هذا وهذا من الغرور والتغرير بالنفس فإن الإنسان مهما بلغ من العلم والإيمان والتقوى لا يأمن على نفسه من الضلال والزيغ والانحراف والوقوع في الشرك إما عن جهل وإما عن انحراف وزيغ وضلال والعياذ بالله الإنسان عرضة للفتن ما دام على قيد الحياة وقوله الخوف من الشرك الخوف ضد الأمن وهو توقع المكروه والشرك هو عبادة غير الله عز وجل بأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة والتوكل والذبح للأصنام أو للقبور أو للأشجار أو الأحجار أو للجن أو ينذر لهم أو يخاف منهم أو يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل وهذا هو الشرك وقد وقع فيه خلق كبير وعندهم علم ووقعت فيه اليهود وعندهم علم ووقعت فيه النصارى وعندهم علم ووقع في هذه الأمة بعد القرون المفضلة مع وجود العلم فلا يأمن من الوقوع في الشرك فالواجب على المسلم أن يحذر منه ولا يحذر منه إلا إذا عرف ما هو الشرك حتى يتجنبه. Donc ici le cheikh il explique que ce chapitre il est dans une place il a été placé de manière très convenable par rapport au chapitre précédent. Car les chapitres précédents, en commençant par le premier qui est Kitab al-Tawhid, le chapitre de l'unicité, et ensuite le deuxième, le mérite et l'excellence du Tawhid, et le troisième, quiconque a purifié compléter ou purifier son Tawhid. Donc lorsque quelqu'un a vraiment maîtrisé les trois chapitres précédents, donc il a, après avoir compris le premier chapitre, il comprend la réalité de ce qu'est la définition du Tawhid. Après le deuxième chapitre, il va connaître qu'est-ce qu'est la valeur et le mérite du Tawhid. Et après avoir étudié le troisième chapitre, il comprend maintenant ce que signifie de purifier son Tawhid et de le parfaire et de le compléter. Il lui reste maintenant de craindre ce qui s'oppose au Tawhid, c'est-à-dire de craindre le shirk. Hein, parce que le shirk, c'est le contraire du Tawhid. Et parce que l'être humain ne doit pas se sentir lui-même en sécurité de tomber dans le shirk ou dans une forme de shirk quelconque. Même si la personne fait partie de ceux qui sont les plus savants, hein, et les plus forts dans leur foi, ils sont toujours susceptibles de se faire tester et d'être éprouvés. Et donc ceux qui disent par exemple, non, les gens aujourd'hui sont cultivés, les gens connaissent maintenant la réalité de l'idolâtrie, et ils ont dépassé l'étape de l'innocence dans laquelle les gens vivaient avant, qui les faisait tomber dans le shirk. Et maintenant, ils sont donc plus évolués, hein, et donc ils ne vont pas tomber dans l'idolâtrie ou l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur pour eux, hein, qu'ils fassent le shirk. Et il n'y a pas donc qui nous incite ou qui nous oblige d'avertir contre le shirk. Donc pour répéter un peu là où on était rendu, on vient de commencer le nouveau chapitre qui est Al-Khawf ou Min al-Shirk, c'est-à-dire la crainte, hein, la peur de faire le shirk et de tomber dans le shirk. Et le cheikh donc explique que les trois premiers chapitres, hein, le premier c'était l'introduction de la définition, qu'est-ce que c'est le tawhid, le deuxième c'est le chapitre de l'excellence et du mérite, hein, qu'est-ce qu'est la valeur et le mérite du tawhid, et le troisième c'était au sujet de la purification de notre tawhid et de le parfaire et de le compléter, hein. Et ça, ces trois chapitres précédents-là, c'était des introductions. Maintenant, ici, le cheikh, il nous mentionne le fait qu'il faut avoir peur du shirk, parce que le shirk, c'est le contraire du tawhid, comme on l'a expliqué. Et ensuite, il explique que peu importe notre niveau de connaissance ou notre niveau de foi, il faut avoir peur de tomber dans le shirk, parce qu'il y a des gens qui ont été plus savants que nous et qui ont été plus forts que nous dans leur foi, et qui sont tombés dans le shirk. Donc, l'idée que certaines personnes expriment lorsqu'ils disent, par exemple, que non, aujourd'hui, les gens sont civilisés, les gens sont évolués, hein, les gens sont cultivés, ils savent le danger, ils savent que c'est de l'idolâtrie, pas besoin de les avertir. Hein, ils ont dépassé la période ou l'étape de la naïveté, hein. Et ils sont maintenant plus civilisés, plus évolués. Ils n'ont pas besoin d'être avertis contre le shirk. Parce que les gens, ils connaissent ces choses-là aujourd'hui. Hein? Ils ne vont pas tomber dans l'idolâtrie. Et il y en a même parmi les gens, par exemple, et je l'ai entendu de plusieurs, et même dans des gens qui sont morts même, qui ont écrit dans leurs livres des idées pareilles, hein, comme dans les livres de Sayyid Qutb, par exemple. Il dit, le shirk ancien, hein, Shirk al-Qadim, l'idolâtrie, l'adoration des idoles, ça c'est l'ancien shirk. Et ça c'est un shirk qui est savage, innocent, simple, primitif. Hein? Un shirk qui était primitif. Nous maintenant, à notre époque, on n'a plus besoin d'avoir peur de ça. Hein? Ça c'est passé maintenant. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai, puisqu'on constate que il y a encore de ce shirk-là qui est répandu dans l'humanité. Encore aujourd'hui, des gens adorent des statues, adorent des idoles, se prosternent devant des idoles et des statues. Que ce soit chez les chrétiens, quand tu rentres dans leurs églises, tu rencontres des statues, les gens ils se mettent à genoux devant, ils, il prie devant ces images, ces statues-là, que ce soit des statues de Jésus sur une croix, hein, ou bien que ce soit des statues de Marie, ou que ce soit des statues d'un saint parmi les saints, hein, et ils portent leurs pendentifs et leurs médaillons, et ils font des gravures, ils font des peintures, ils font des sculptures, ils font des icônes et toutes sortes de représentations de ces personnages-là qu'ils adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit chez les hindous avec leur multitude de statues et d'idoles, hein, de différentes formes et de différentes natures, que ce soit des idoles à forme humaine ou des idoles à forme animale, hein, ou des arbres, ou des pierres, ou des roches que les gens adorent encore aujourd'hui, hein, à notre époque, au 20e siècle, comme on dit, au 21e siècle. Hein, encore aujourd'hui, il y a des gens qui adorent ces choses-là. Il y a des gens qui adorent aussi, par exemple, chez les bouddhistes, on voit qu'ils prient devant des statues, hein, et ils se prosternent devant, et ils s'inclinent devant ces statues-là. Tout ça, c'est du shirk. Hein? Et c'est des gens civilisés, des gens évolués, comme on dit. Hein? Mais ça ne les a pas empêchés de tomber dans le shirk. Et on trouve également dans d'autres peuples qui peut-être n'ont pas de statue ou d'idole, mais ils adorent des esprits. Ils prient à des esprits, ils prient à leurs ancêtres, ils prient à leurs ancêtres qui sont morts, aux âmes de leurs ancêtres, comme ils disent. Ils prient parfois aussi aux djinns. Hein? Ils adorent les djinns. Ils adorent, ou bien ils ne les appellent pas djinns, ils les appellent par d'autres noms. Hein? Ils prient des diables parfois, ou bien ils prient par exemple en Haïti, il y a les voudouisants, ils prient les lois, ils les appellent les lois. Hein? Et c'est la même chose que les djinns. Donc tout ça, c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Et les gens qui font ça, ils se disent, hein, ils se disent pas idolâtres, ils considèrent qu'ils sont des croyants. Hein. Donc c'est pour dire, Yanni, comment les gens peuvent facilement s'égarer. Même parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui adorent des tombes, il y en a qui adorent des saints. Ils vont faire des pèlerinages dans les lieux dans lesquels ils ont été enterrés. Ils vont à leur tombe pour les invoquer et leur demander des bénédictions ou chercher des bénédictions ou la guérison ou des choses de ce genre. Il y en a même parmi des gens qui se disent musulmans et qui adorent les djinns aussi. Hein, tu vois, par exemple, dans certains pays, il y a des groupes comme les Gnawa, les Isawiya et d'autres Turuq. Ils prient à des djinns et ils leur font des offrandes, ils leur font des sacrifices, hein, pour demander des services ou pour demander protection contre certaines choses. Hein. Il y en a qui font du sihr aussi avec ça. Donc tout ça pour dire que ces gens-là, ils se disent musulmans et ils font, hein, des formes de shirk de différentes sortes. Donc peu importe que les gens s'imaginent qu'on a atteint un niveau dans la science aujourd'hui, que le monde est devenu un monde évolué, on a réussi à, soi-disant, envoyer des hommes sur la Lune, comme ils disent. Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur du shirk. Cette période ou cette époque, elle est dépassée. Hein? Ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est faux. Et puis, il ne faut pas s'imaginer aussi, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont qui disent, non, ça y est, on est à l'époque de la science, maintenant les gens sont évolués. Et ils pensent que, par exemple, le fait que des gens sont athées, hein, ils n'adorent rien, ou ils ne croient en rien, ils pensent que ça, ce n'est pas une forme de shirk. Alors que l'athéisme, c'est une forme de shirk aussi. Hein? Parce que la personne qui est athée, elle associe à Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre. Elle va adorer la dunya, elle va adorer les passions, elle va adorer ses désirs, elle va adorer l'argent. Ou bien aussi, qu'est-ce qu'elle peut adorer ou bien qu'est-ce qu'elle peut faire comme shirk? C'est le shirk dans les noms et les attributs d'Allah, comme les matérialistes. Par exemple, ils donnent à la matière des attributs divins. Hein? La matière, ils disent qu'elle est éternelle, qu'elle n'a pas de début, qu'elle n'a pas de fin, hein, qu'elle se transforme à volonté. Et on sait que Al-Awwal wal-Akhir, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala seulement. Il n'y a personne qui est Awwal wal-Akhir. Il n'y a personne qui a pas de début et qui n'a pas de fin, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu donnes cette caractéristique-là à la matière, tu as commis une forme de shirk dans Al-Asma wa Sifat. Et tu peux faire aussi du chef dans beaucoup d'autres choses et dans beaucoup d'autres catégories. Donc, même si les gens aujourd'hui sont évolués ou ont atteint un degré dans la science, peu importe, hein, ils ont toujours le risque de tomber dans ce qu'on appelle le shirk. Et ça, c'est ce qui signifie qu'on doit s'en prévenir et le connaître comme il faut. Donc, le cheikh, il dit, celui qui pense que on n'a plus besoin d'avoir peur du shirk ou d'avertir contre le shirk à notre époque, le cheikh, il dit ça, c'est de la tromperie. Hein? C'est des gens qui se font des. Il y en a qui se trompent eux-mêmes ou qui se mentent à eux-mêmes. Parce que peu importe le degré de science qu'une personne a pu atteindre, ou peu importe son degré de foi, hein, ou peu importe son niveau de piété, il n'y a personne qui doit se sentir en sécurité en lui-même de tomber dans l'égarement ou dans la déviation, hein, ou dans l'égarement et de tomber dans le shirk. Hein. Parce que des gens peuvent tomber dans le shirk soit par ignorance, et ils peuvent également tomber dans le shirk par déviation, hein, par égarement, par détournement de la vérité. Et donc, tout le monde est susceptible d'être affecté par les épreuves et la fitna tant qu'il est en vie. Tant qu'il est en vie dans ce bas monde, il peut s'égarer. Et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit donc ici ce chapitre, Al-Khawfu min al-Shirk. Et al-Shirk, hein, al-Khawf, premièrement, c'est diddul amni wa huwa tawaqqu' al-makruh. Donc la crainte, c'est quoi? C'est le contraire de la sécurité. Et c'est d'avoir, comme on dit, d'appréhender quelque chose de mal, d'appréhender quelque chose de mal. Et il dit, et le shirk, c'est l'adoration d'autre que Allah, le fait d'adorer autre que Allah, subhanahu wa, et c'est de détourner une forme quelconque parmi les formes d'adoration et de les offrir à autre qu'à Allah. C'est-à-dire, au lieu d'adorer Allah ou d'offrir ces adorations-là à Allah seul, eh bien, tu les offres à d'autres avec Allah ou à d'autres que Allah. Et des exemples de ces adorations-là, parce que des fois tu dis ça aux gens, tu dis le shirk, c'est d'adorer autre que Allah, et puis ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire d'adorer autre que Allah? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc l'adoration, en réalité, comme les ulama l'ont expliqué, c'est tout ce que Allah aime. Tout ce que Allah aime comme parole et comme action que tu fais. Et ces paroles et ces actions peuvent être intérieures ou extérieures. Ça veut dire, ça peut être des choses qui sont faites par le cœur, et ça peut être aussi des choses qui sont manifestées par les actions du corps et aussi par la langue. Donc, tout ce que Allah aime, on le détermine par ce qui est révélé. C'est-à-dire, on peut connaître dans la révélation d'Allah, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, on peut connaître ce que Allah aime. Parce que dans le Coran, il nous mentionne ce qu'il aime. S'il a glorifié quelque chose, s'il a glorifié une caractéristique ou une action ou une parole, ça veut dire qu'il l'aime. S'il a glorifié les gens qui font ces actions-là, ça veut dire qu'il aime ces actions-là. Et également, on le connaît aussi par la sunna, par qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié de qu'est-ce que Allah aime, par les actions de piété et les bonnes œuvres. Donc tout ça, c'est des adorations. Et parmi les adorations, le cheikh, il en a énuméré certaines qui sont parmi les plus importantes. C'est par exemple ad-du'a, l'invocation, le fait de demander et d'implorer, d'invoquer. Hein? Ça fait partie d'une des plus grandes formes d'adoration. Même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, ad-du'a ou huwa al-ibada. Le du'a, c'est l'adoration, tellement que c'est une forme importante d'adoration. Et il n'y a presque pas d'adoration dans laquelle il n'y a pas de du'a. Il n'y a presque pas d'adoration, excepté qu'il y a dedans des du'a, des invocations dedans. Par exemple, la prière, dans la salat, il y a beaucoup de du'a. Par exemple, le hajj, il y a beaucoup de du'a. Dans le jeûne qu'on fait dans le ramadan, on fait beaucoup d'invocations et d'implorations. Et ainsi de suite. Donc la religion de l'islam, elle nous enseigne de faire des doigts dans toutes les occasions et dans toutes les circonstances. Donc ça fait partie des plus grandes formes d'adoration. Et également al-khawf, la crainte. Quelqu'un peut dire, oui, mais la crainte, ça c'est une émotion, une sensation ou un sentiment qui est naturel. Hein? Pourquoi est-ce que ça fait partie des adorations? Eh bien, parce qu'il y a différentes sortes de craintes, il y a différentes sortes de peurs. Et parmi les peurs, il y en a qui sont naturelles, comme on dit. Et si c'est naturel, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, ça ne fait pas partie du shirk. Comme par exemple le fait d'avoir peur de quelque chose qui est un danger pour nous réel. D'avoir peur d'un animal sauvage, d'avoir peur d'un serpent, d'avoir peur d'un tueur ou d'un voleur qui rentre chez nous la nuit, d'avoir peur d'un danger quelconque. Ça, c'est des choses naturelles, il n'y a pas de shirk dans ça. Le shirk, c'est lorsque quelqu'un il a peur de quelque chose et que ça touche à la religion. Comme par exemple quelqu'un qui a peur d'une idole. Hein? Il pense que l'idole va le frapper ou va le toucher hein, par quelque chose, une malédiction ou un mal. Souvent, les mouchriquins, les koufars qui adorent des idoles, ils essaient de faire peur aux gens du tawhid en leur disant hein, « Faites attention, nos idoles vont se venger de vous. Nos idoles vont se venger de qu'est-ce que vous dites. » Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les réfute. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de nous faire peur par leurs idoles. Ça rentre dans le shirk. Si tu as peur de ces idoles-là, ça rentre dans le shirk. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir peur de qu'est-ce qui est raib. Hein? Tu dois uniquement avoir peur d'Allah. Hein? Tu n'as pas le droit d'avoir peur que d'autres choses que de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui ont peur des êtres humains, des sorciers ou des magiciens. Hein? Ils disent, ah, tel sorcier-là, hein, il va te jeter un sort, ou il va te faire ci, ou il va te faire ça. Tu n'as pas le droit d'avoir peur de ça, parce que c'est Allah qui contrôle l'univers, c'est Allah qui contrôle toutes choses. Et donc, tu n'as pas le droit d'avoir peur du sihr, ou d'avoir peur des djinns, ou d'avoir peur des magiciens, ou des choses comme ça. Tu dois mettre ta confiance en Allah et ne pas avoir peur d'autre que Allah. Aussi, il y a des gens qui ont peur dans la religion, dans le sens que ils ont peur des koufars, donc ils vont laisser la religion à cause de la peur qu'ils ont des koufars, par exemple. S'ils pratiquent la religion, certains aspects de la religion, par exemple, s'ils sont au travail, le patron leur dit « vous ne faites pas la prière ». Et eux, ils ont peur de leur patron parce qu'ils disent « si mon patron, il me voit faire la salat, il va me mettre en dehors de mon travail, ou il va me renvoyer hein? ». Donc, il a plus peur de son patron et de se faire renvoyer de son travail que d'Allah et de son châtiment. Alors, ça, c'est grave. Hein? La personne qui abandonne la da'wa parce qu'il a peur des koufars. Hein? Il dit, si je fais la da'wa, si j'appelle au tawhid, si j'explique la réalité du shirk, et si je critique les croyances et les idéologies des koufars et des mushrikines, et si j'explique le jugement et le verdict de certains péchés dans l'islam, et si j'explique la réalité de Al-Wala ou Al-Bara, les koufars, ils vont me faire des problèmes, ils vont me donner des ennuis, alors j'abandonne la da'wa, j'arrête, hein, j'appelle plus au tawhid, hein, j'avertis plus contre le shirk. Alors là, ça veut dire qu'il a peur des koufars plus que d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, et ça rentre aussi dans les formes de shirk qui touchent à l'adoration aussi. Hein? Ça peut rentrer dans le shirk. Dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk. Et ça peut être parfois un shirk majeur ou ça peut être un shirk mineur selon la catégorie de crainte et la situation. Hein? Et il y a aussi parmi les formes d'adoration, ar-raja. Ar-raja, c'est-à-dire de mettre son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en les créatures. Ar-raghba, c'est-à-dire le fait d'aspirer et de désirer, hein, de vouloir, d'aimer. Hein, ça fait partie de l'adoration aussi. Et ar-rahba, c'est-à-dire la peur et la crainte. Hein, c'est une autre forme de crainte. Al-istiratha, ça veut dire de chercher le refuge, de demander le secours d'Allah. Hein, demander le secours d'Allah dans les moments de détresse, dans les moments de grand danger. Hein, tu appelles Allah au secours. Al-istiratha, ça aussi ça rentre dans l'adoration. Al-isti'ana, de demander l'aide d'Allah, ça aussi ça rentre dans l'adoration. At-tawakkul, hein? C'est-à-dire tu mets ta confiance en Allah, ça rentre dans l'adoration. Et aussi le fait de faire des sacrifices, hein, d'égorger ou de sacrifier un animal pour une idole ou pour une tombe, ça fait partie du shirk aussi. Hein? Que ce soit pour un arbre ou pour une pierre ou pour un djinn ou pour un être humain, si tu fais un sacrifice pour autre que Allah, ça rentre dans le shirk. Il y a des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils vont, ils vont faire des pèlerinages au djinn, ils vont faire un sacrifice d'un animal à l'entrée de la grotte, à l'entrée d'un trou, pour demander que les djinns ne leur fassent pas de tort. Et ensuite, ils passent dans le trou, entre les roches, et, parce qu'ils pensent que si ils ne font pas ce sacrifice-là, les djinns vont faire écraser les pierres sur eux. Donc ça, c'est des exemples de shirk aussi. Hein, de faire des vœux pieux pour des tombes ou pour des morts, leur demander d'exaucer nos vœux, et en échange, on leur offre une adoration quelconque. Ça rentre dans le shirk, ça aussi. Ou bien d'avoir peur des djinns, hein, d'avoir peur des morts. D'avoir peur des chouyours, comme les soufis, par exemple, des fois, ils ont peur de leur cheikh plus que d'Allah. Ils pensent que le cheikh, il peut leur enlever leur foi, hein, et des choses de ce genre. Ou que les chouyours, ils connaissent qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, donc ils ont peur d'eux. Hein, parce qu'ils s'imaginent que s'ils ont pensé du mal de leur cheikh, hein, que le cheikh, il va savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, et donc ils vont avoir des ennuis ou bien des problèmes à cause du cheikh. Et ça veut dire que ils croient que leur cheikh, il est alimun bidat as-sudur. Ils croient que le cheikh, il a la connaissance de ce qu'ils ont dans leur cœur, dans leur poitrine. Hein? Et ça, c'est du shirk aussi. Ils croient, le cheikh, il dit également, ou bien de croire, hein, que quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah a le pouvoir de nous nuire ou de nous profiter en dehors d'Allah. Donc ça, c'est du shirk aussi. Hein? Et donc, toutes ces adorations-là doivent être faites pour Allah. Et dans chacune de ces adorations, il peut y avoir du shirk. Donc, il peut y avoir du shirk dans le dua. Il peut y avoir du shirk dans la crainte. Il peut y avoir du shirk dans l'espoir. Il peut y avoir du shirk dans al-raghba wa al-rahba wa al-istighatha, shirk al-istighatha, shirk al-isti'ana, shirk al-tawakkul. Il peut y avoir du shirk dans al-dhabh. Il peut y avoir du shirk dans al-nudhur. Il peut y avoir du shirk dans différentes choses de ce genre. Et dans toutes ces différentes formes d'adoration, il peut y avoir une forme de shirk qui est reliée avec. Donc tout ça, c'est du shirk. Et donc, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'êtres humains et des femmes qui sont tombés dans des différentes formes de shirk comme ça. Et parmi eux, certains, ils avaient la connaissance, mais ils sont tombés dans le shirk quand même. Et on regarde, par exemple, l'exemple des Juifs. Les Juifs, ils ont de la connaissance, ils ont du savoir. Et ils sont malgré tout tombés dans le shirk. Les chrétiens, ils ont certaines connaissances. La plupart des chrétiens, si tu leur demandes combien il y a de dieux, ils vont dire il y a un dieu. Dieu est unique. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul dieu. Hein? Et ça ne les a pas empêchés de faire de l'idolâtrie, d'adorer des idoles, d'adorer des saints, d'adorer des tombes, d'adorer des morts, de faire des pèlerinages à des saints ou des choses de ce genre, et d'adorer des statues, hein, et des images et des croix. Et pourtant, ils disent que Dieu est unique. Hein? Et de croire en la Trinité, par exemple. Ils croient que Jésus est fils de Dieu et que Dieu est trois personnes en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, ils disent que Dieu est unique. Donc, le fait d'avoir la connaissance, ça ne les a pas protégés de tomber dans le shirk, malheureusement. Et il dit, et après les trois premières générations de musulmans, on a vu aussi apparaître chez des musulmans des exemples de shirk, hein, et de l'adoration des tombes. Et malgré qu'ils avaient la connaissance, hein, du Coran et des hadiths, et malgré tout, ils sont tombés dans le shirk. Donc l'obligation pour le musulman, c'est de faire attention, hein, au shirk, et d'être sur ses gardes vis-à-vis du shirk. Il dit, tu ne peux pas être averti contre le shirk, excepté si tu connais ce qu'il est, ce que c'est le shirk, pour pouvoir t'en écarter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il ne sait même pas la définition de qu'est-ce que c'est le shirk, hein, il ne peut pas s'en préserver. C'est pour ça que parfois, tu vois des musulmans parmi les égarés, en particulier chez les chiites ou chez les soufis, qui adorent des tombes et des morts, et tu leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous adorez les tombes, vous adorez les morts, et ça, c'est du shirk. Et ils disent, non, non, on ne fait pas de shirk. Ça, c'est pas du shirk, c'est le doua. Le doua, c'est pas du shirk. Donc, vous voyez que, yani, la différence aussi, certains ils disent, le shirk, c'est d'adorer des idoles. Nous, on n'adore pas des idoles. On demande la baraka des hommes pieux, hein, et des saints. Ça, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comparez les... Par exemple, ils nous disent, est-ce que vous comparez les hommes pieux à des idoles? Hein? Donc, eux, ils pensent que le shirk, c'est seulement si c'est une statue. Si c'est pas une statue, c'est pas du shirk. Et ça, c'est faux. Quelqu'un peut faire le shirk même avec un prophète, hein? Un être humain. Comme les chrétiens qui ont adoré Jésus, ça, c'est du shirk. Hein? Et pourtant, c'est pas une idole. Jésus, c'était pas une idole. Mais ils en ont fait une idole en l'adorant en dehors d'Allah. Hein? Allah al-Musta'an. Après, le cheikh, il dit. والشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر يخرج من الملة ويكون صاحبه خالدا مخلدا في النار وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر وأيضا هو وإن كان شركا أصغر فإنه أعظم من الكبائر الشرك أكبر الكبائر سواء كان أكبر أو أصغر فلا يتهاون بالشرك Donc, on va commencer par expliquer ça. Le cheikh, il explique ici des choses très importantes par rapport au shirk. Premièrement, le shirk se divise en deux catégories. Il y a le shirk qui est majeur, et le shirk majeur, on l'appelle en arabe al-shirk al-akbar. Et le shirk majeur, il fait sortir la personne complètement de la religion. Ça veut dire que si un musulman a dit la ilaha illallah, il a dit Muhammad Rasulullah, puis que par la suite il a une croyance du shirk, ou bien il fait un acte de shirk, hein, ou il dit une parole de shirk, hein, et bien à partir de ce moment-là, yani ça peut le faire sortir complètement de la religion. À moins que la personne soit ignorante, hein, elle soit ignorante au point qu'elle n'a pas appris, ne sait rien du tout de l'islam, surtout si elle est nouvelle en islam, elle vient de se convertir. Connaît pas encore les choses, peut-être dans ce cas-là, on peut dire qu'elle sera excusée. Ou quelqu'un qui est dans un endroit très éloigné des centres de sciences et qui n'a aucun accès à la connaissance, il ne connaît pas la langue du Coran et de la Sunna, et on ne lui a pas appris la religion comme il faut, et lui, il ne savait pas que qu'est-ce qu'il faisait, c'était du shirk. Peut-être encore là, dans ce cas-là, il peut être excusé. Mais dans d'autres cas, si la personne, elle commet ce shirk, elle sortira de la religion, elle sera considérée comme un mushrik, un kafir, et on va considérer que la personne qui a commis le shirk majeur, elle va être éternellement en enfer. Hein? Une fois que la personne meurt sur le shirk majeur sans s'être repentie, hein, elle va en enfer et elle ne peut jamais en sortir. Donc, elle est éternellement en enfer si elle meurt sur le shirk majeur. La deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk mineur, shirkul asrar, le petit shirk. Et celui-là ne fait pas sortir de la religion. Et si quelqu'un meurt sur ce shirk-là et qu'il entre en enfer, il ne restera pas éternellement en enfer pour ce shirk. Sauf que c'est quand même dangereux, hein? Il ne faut pas négliger ou. Il ne faut pas négliger le danger ou sous-estimer le danger de cette catégorie de shirk parce que c'est un moyen qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur. Hein, c'est un shirk mineur, mais le shirk mineur, c'est un chemin vers ou un moyen vers le shirk majeur. Et le shaykh, il dit wa aydan huwa wa in kana shirkan asghar fa innahu a'zamu min al-kaba'ir. Donc il dit même si le shirk en question, on va dire à son sujet que c'est un shirk qui est mineur, eh bien, c'est tout de même plus grand et plus grave que les grands péchés. C'est quand même plus grand ou plus grave que les grands péchés. Que ce soit un shirk majeur ou mineur, dans les deux cas, c'est plus grave qu'un kaba'ir ou un grand péché quelconque. Donc, il ne faut pas, disons, prendre à la légère et dénigrer l'importance ou la gravité du shirk. Que ce soit majeur ou mineur, c'est grave, hein, dans les deux cas. Il dit ensuite, وَهَذَا مِمَّا يُوجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الشِّرْكِ مَا هِيَ حَقِيقَتُهُ وَمَا هِيَ أَنْوَاعُهُ وَمَا هِيَ أَسْبَابُهُ حَتَّى يَتَجَنَّبَهُ وَيَحْذَرَ مِنْهُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتِ لِأَنَّهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ الْإِنْحِرَافُ وَالزَّيْغُ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنَ وَإِنْ عَلِمَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْإِنْحِرَافِ وَالزَّيْغِ. Donc le cheikh, il dit que le fait de savoir la gravité, hein, du shirk, eh bien, c'est ce qui fait que le musulman, hein, il sait qu'il est obligatoire d'apprendre qu'est-ce que c'est le shirk. Premièrement, de connaître sa réalité, qu'est-ce que c'est le shirk, hein. Des fois, tu demandes à des gens, comme je disais tout à l'heure, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le shirk, hein? Parce que tu lui dis, ça, qu'est-ce que tu fais, c'est du shirk. Non, il dit, non, ça, c'est pas du shirk. Tu lui dis, d'accord, donne-moi la définition du shirk. Qu'est-ce que c'est le shirk, selon toi? Et là, écoutes sa définition, tu vois qu'il ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc, tu lui dis après, tu dis, bon, écoute, c'est clair que tu ne sais pas ce qu'est le shirk, hein? Parce que si tu savais ce qu'est le shirk, eh bien, tu ne serais pas tombé dans le shirk. Hein? Et tu ne l'aurais pas défini de cette façon, puisqu'on voit clairement que ça, ce n'est pas la définition du shirk telle qu'il est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Parce que le danger aussi de certains, et l'erreur de certains par rapport aux définitions de la religion, c'est qu'ils ne font pas ils ne se basent pas sur des définitions qui sont établies et basées sur la révélation. Ils se font des définitions eux-mêmes, comme les philosophes, hein? Ils se basent sur des définitions qui sont purement linguistiques et qui ne tiennent pas compte de la réalité des textes de la religion qui définissent les réalités. Hein? C'est comme par exemple le doua dans la langue arabe, hein? Ça a une signification. Et souvent, les ulama ils disent que, par exemple, le mot « salat » en arabe, à la base, dans la langue arabe, ça signifie « ad-du'a ».« Salat » ou « ad-du'a ». Ça, c'est dans la définition linguistique. Donc, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui fait un du'a, il serait en train de faire la salat. Sauf qu'on sait très bien que dans la définition de la charia, la salat, c'est une forme particulière de du'a et d'adoration, avec des gestes, hein, et ça débute par... at-takbir, ça débute par at-takbir et ça se termine par at-taslim, et dedans il y a des mouvements et des paroles, hein? Et donc c'est pas n'importe quelle forme de doua. Donc si quelqu'un voulait se baser sur uniquement la langue arabe et les définitions linguistiques pour définir la salat par exemple, eh bien c'est clair qu'il serait dans l'égarement. Et la même chose pour celui qui se définit, la même chose pour celui qui veut se baser uniquement sur des définitions linguistiques pour définir qu'est-ce que c'est al-iman. Hein? On voit que les murdia, ils ont dévié dans la foi à cause de la définition qu'ils ont faite de la définition de la foi purement linguistique. Ils n'ont pas tenu compte des versets et des hadiths qui définissent la réalité de la foi. Et on voit que dans la question du tawhid et du shirk, la même chose aussi. Certains parmi les gens de bid'a, ils ont défini le tawhid uniquement par la rububiyya. Ils ont dit le tawhid, c'est de croire que Allah est unique et qu'il est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur. Et ils se limitent à ça. Ils disent, si tu as cru en ça, tu as établi le tawhid. Alors, ça veut dire que pour eux, si tu adores d'autres que Allah, tu n'as pas commis de shirk. Hein? Et c'est ça le danger. Et par conséquent, ceux qui ont fait cette erreur-là à propos de la définition du tawhid, ils l'ont également faite à propos de la définition du shirk aussi. Parce que, étant donné que pour eux, le tawhid, c'est uniquement dans la rububiyya, eh bien, également, le shirk, c'est uniquement dans la rububiyya pour eux. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il dit, par exemple, qu'il y a plusieurs dieux, hein, ou qu'il y a plusieurs créateurs, ou il y a plusieurs maîtres de l'univers, là, ils vont dire, ça, c'est du shirk. Mais si quelqu'un, il se prosterne à une tombe, ou il demande la baraka d'une tombe, ou bien il adore, il demande l'aide du prophète dans les malheurs, ils vont dire, non, ça, c'est pas du shirk. Parce qu'on n'a pas fait le shirk dans la rububiyya, donc ça, c'est pas du shirk. Hein? Donc, vous voyez, quand quelqu'un, il se définit, il définit pas comme il faut la réalité du shirk, il peut tomber dans le shirk sans même le savoir. Et c'est ça qui nous montre donc l'importance de définir, premièrement, de connaître la réalité du shirk et de définir sa réalité, non pas seulement sur des bases linguistiques ou philosophiques, comme les kuffars et les philosophes, mais en se basant sur la définition qui a été faite dans les textes de la réalité de ces adorations et de la réalité de ces éléments-là dans la religion. Et également de connaître les différentes catégories de shirk, parce que le shirk, ça peut se manifester dans différentes choses. Il peut y avoir des formes de shirk dans la rububiyya, oui, mais il peut aussi y en avoir dans l'uluhiyya. Et il peut aussi y avoir des formes de shirk dans Al-Asma wa Sifat. Hein? Et les différentes catégories de shirk sont multiples. Il y a autant de formes de shirk que de formes d'adoration. Il y a autant de formes de shirk que de formes d'adoration. Donc, on sait que les formes d'adoration sont multiples. Hein? On a dit tantôt, Al-Khawf, Al-Raja, Al-Rahba, Al-Rahba, Al-Istighatha, Al-Isti'ana, Al-Tawakkul, Al-Dhabh, Al-Nadhr. Tout ça, c'est des formes d'adoration. Et dans toutes ces formes d'adoration-là, il peut y avoir du shirk. Donc, il y a autant de formes de shirk qu'il peut y avoir de formes d'adoration. Hein? Et ça peut être dans la croyance, le shirk, ça peut être dans les actions, ça peut être dans les paroles. Hein? Donc, il peut y avoir différentes manifestations et différentes formes de shirk. Il y a aussi différentes causes pour le shirk. Et tout ça, le musulman doit le comprendre, il doit le connaître pour pouvoir être averti et se préserver du shirk. Et pour ça, donc, il faut l'étudier. Ce n'est pas quelque chose comme certains, contrairement à ce que certains ont prétendu. Ah, oh, le tawhid, tu peux l'apprendre en 5 minutes. Hein? Tu prends un livre là, puis dans 5 minutes, tu vas l'apprendre. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Déjà, Kitab al-Tawhid, pour l'étudier du début jusqu'à la fin, c'est très. Hein, c'est très volumineux le livre. Et avec le charh, il est encore plus long. Juste par exemple, le charh qu'on a actuellement, là, qu'on est en train de lire maintenant, il a à peu près 950 pages. Ça, c'est seulement pour ce volume-là. On a fait d'autres charhs, il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs. Mais peu importe, hein, le charh et son volume, il faut comprendre une chose, c'est que le tawhid, même si tu l'as étudié, ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas tomber dans le shirk. Hein? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est purement ou uniquement quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui fait partie de la foi, qui fait partie de la réalité, de la compréhension de la religion. Et l'être humain, lorsqu'il est mis en face de certaines épreuves ou de certaines situations, eh bien, c'est là que il va valider son tawhid. Hein? C'est là qu'il va établir est-ce que son tawhid, il est une réalité? Est-ce que c'est une conviction profonde? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a réellement dans le cœur? Ou c'est seulement quelque chose qu'il a appris par cœur et mémorisé comme un perroquet? Et il fait que le répéter. Hein? Donc ça veut dire que le tawhid, même si tu l'as mémorisé, tu l'as appris par cœur, tu connais le kitab tawhid du début à la fin, tu as mémorisé tous les versets et les hadiths, et les paroles qui sont dedans, tu as mémorisé al-usul al-thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-usul al-sitta, kitab al-tawhid, al-aqidat al-wasitiyya, et tu les connais par cœur, et tu les mémorises. Est-ce que ça veut dire que ton tawhid, il est garanti, et protégé, et parfait? Non. Ça, c'est un moyen, hein, pour connaître le tawhid et pour se préserver. Mais ce n'est pas une garantie, encore là, que tu ne peux pas tomber dans l'égarement ou dévier ou commettre une erreur et tomber dans le shirk. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté dans le tawhid, hein, et la fermeté dans l'application du tawhid et dans le fait de s'écarter du shirk. Il dit parce que même si quelqu'un il a de la connaissance, hein, même si quelqu'un il a de la connaissance, eh bien il n'est pas protégé en lui-même, il n'est pas garanti ou en sécurité de l'égarement, contre l'égarement et la déviation. Il peut toujours, hein, malgré tout, s'égarer ou tomber dans une déviation quelconque. Et il donne des exemples. Il dit « فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَ وَضُلَّالْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَعُوا فِي عِبَادَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَعِبَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِ وَهُمْ عِنْدَهُمْ عِلْمٍ وَعُبَّادُ الْقُبُورَ الْآنَ عِنْدَهُمْ عِلْمٍ أَغْلَبُهُمْ عِنْدَهُمْ عِلْمٍ مُتَخَرِّجُونَ مِنَ الْجَامِعَاتِ مَعَهُمْ أَعْلَى الشَّهَادَاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَهُمْ يَخْضَعُونَ لِلْقُبُورِ وَيَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عز وجل وما نفعهم علمهم فلذلك يجب على المسلم الحذر من الشرك فهو بين أمرين إما أن يقع فيه عن جهل فإذا لم يكن يعرف ما هو الشرك وما هو وما هي أنواعه فالذي يجهل الشيء يقع فيه وقد قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بسبب الجهل أو يقع فيه لا عن جهل ولكن عن عناد وعن تقليد للآخرين المسألة خطيرة جدا. Donc le cheikh il dit que les juifs et les chrétiens et les égarés de cette umma sont tombés dans l'adoration des hommes pieux et des saints, hein, et dans l'adoration des prophètes, alors qu'ils ont de la connaissance, ils ont de la science. Les adorateurs des tombes aujourd'hui, ils ont des sciences. La plupart d'entre eux, ils ont de la connaissance de la religion. Certains d'entre eux, même, ils viennent, ils sont gradués de certaines universités islamiques. Et ils ont avec eux des diplômes, hein, des doctorats même parfois. Tu vas aller par exemple dans certaines universités, que ce soit Al-Azhar ou autre, hein, et dans différents pays musulmans, et tu vois que ces gens-là, ils possèdent des doctorats dans la religion, hein, mais ils ne connaissent rien de la réalité en fait du tawhid et du shirk. Donc tu les vois adorer les tombes, hein, et ils se prosternent aux tombes, ils adorent les tombes, malgré que... Hein, malgré qu'ils ont des diplômes, hein, en sciences religieuses et en sciences islamiques. Hein. Donc, ils les adorent en dehors d'Allah, ces idoles et ces tombes. Donc, leur science ne leur a servi à rien, ne leur a profité en rien, et leur science ne les a pas préservés contre le shirk. Hein. Il dit, c'est pour ça que le musulman, il doit savoir, hein, qu'il faut... Hein, se préserver contre le shirk, parce que la personne qui tombe dans le shirk, elle va soit tomber dans le shirk par ignorance, hein, ça c'est lorsque la personne, elle ne sait pas la réalité de ce qu'est le shirk, hein, et elle ne sait pas non plus les différentes formes et catégories de shirk. Donc celui qui ne connaît pas quelque chose, il va facilement tomber dedans. Hein. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de Bani Israël, hein? Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Bani Israël qu'ils ont dit à propos de Moussa, donne-nous fais-nous une idole, une divinité comme les mouchriquins ont une idole eux aussi, on en veut nous comme eux pour l'adorer. Et Moussa alayhi salam il a dit innakum qawmun tajhaloun, hein? Vous êtes des gens dans l'ignorance, hein? Et c'est le verset 138 dans Sourate Al-A'raf. C'est très important de comprendre ça. Comme le cheikh il le dit, quand tout à l'heure j'ai parlé de l'ignorance, et j'ai mentionné que parfois ça peut être une excuse, mais ce n'est pas nécessairement une excuse dans tous les cas. C'est uniquement, comme j'ai dit, une excuse dans le cas de la personne qui avait justement... Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est uniquement une excuse dans le cas ou dans la situation où la personne n'avait pas les moyens d'acquérir la connaissance malgré qu'elle souhaitait l'obtenir. Elle cherchait la science, elle voulait avoir la science, mais yani, aucun moyen pour l'acquérir ou pour l'obtenir. Cette personne, elle est excusée. Mais celle qui a accès à la science, a accès à la connaissance, mais qu'elle ne la cherche pas, hein, ou qu'elle ne veut pas la connaître, hein, malgré qu'elle a accès à la science, eh bien, cette personne-là, elle n'est pas excusée. Hein, parce qu'elle s'est détournée de la science intentionnellement et volontairement. Elle n'avait aucune intention de connaître la vérité. Donc, cette personne-là, même si elle est ignorante, elle n'est pas excusée de son ignorance. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, aujourd'hui, des gens qui ont la connaissance et qui commettent du shirk. Donc, soit qu'ils le pratiquent par ignorance, comme on l'a mentionné à propos de Bani Israël, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos d'un groupe parmi les gens qui venaient juste de... à l'époque, il y a des gens qui avaient eu l'intention justement de faire comme ce que le peuple de Moussa avait demandé, hein, à Moussa, de leur faire de fais-nous une idole comme eux ils ont une idole, hein, quand ils ont vu le veau d'or, hein, ils ont vu le veau d'or, ils ont dit on va se faire construire un veau d'or nous aussi. Et puis, ils ont adoré le veau d'or, sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi les gens qui étaient encore juste nouveaux dans l'islam, ils venaient juste de se convertir. Hein, et ils ont dit au messager d'Allah, parce que les mouchriquins, avant l'islam, ils avaient toutes sortes de fausses croyances, eux aussi. Et parmi ces fausses croyances, ils avaient, par exemple, la foi en certains arbres. Ils croyaient que certains arbres étaient bénis et que dans ces arbres-là, il y avait de la bénédiction. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs épées et les accrochaient dans cet arbre en pensant que la bénédiction de cet arbre allait rendre les épées plus fortes et plus puissantes. Alors, ils les appelaient ces arbres-là, ils les appelaient « that and what ». Alors, ces gens-là qui venaient juste de se convertir à l'islam, hein, et qui n'avaient pas encore compris comme il faut la réalité, hein, de la religion, eh bien, ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, établis-nous ou désigne-nous un arbre à nous aussi, autre que celui des mouchriquins, pour que nous aussi, on puisse accrocher nos épées dedans, pour avoir, hein, pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils aient plus de force. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, quand ces gens-là ont dit ça, eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, « Allahu Akbar, innaha sunan, hein? » Il a dit, « Allahu Akbar, » Hein, c'est l'exemple de la voix des juifs et des chrétiens. Il dit, vous avez dit maintenant la même chose que les fils d'Israël ont dit à Moussa, alayhi salam. Donne-nous, fais-nous une idole comme eux, ils en ont une. Donc, ça peut être un exemple d'ignorance. Encore une fois, ça, c'est à cause de l'ignorance. Et le cheikh, il dit ensuite, quelqu'un peut donc tomber dans le cheikh par ignorance ou bien... Des fois, ce n'est pas par ignorance, comme ceux qui ont la connaissance, par exemple. Ils savent qu'est-ce que c'est le shirk, même si parfois ils ne connaissent pas la réalité du shirk, mais ils tombent dans le shirk par opposition, par rejet de la vérité, par suivi aveugle des autres. Par exemple, ils ont étudié avec un shirk qui leur a dit, oui, ça c'est correct, adorer les tombes, ce n'est pas du shirk. Alors eux, ils disent, ah bon, le shirk, il a dit que ce n'était pas du shirk, donc nous, on le suit. Et ils se permettent par la suite de faire le shirk. Je pense qu'il y a une sœur qui veut rentrer. Donc le sujet, le shirk, il dit, l'affaire est très grave. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui de toute façon. On continuera la semaine prochaine. Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, إن